La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et c'est vrai que c'est un sujet qui parle à tout le monde, le sens de l'intuition. Et la science aujourd'hui, figurez-vous, a des choses très intéressantes à en dire pour en comprendre les mécanismes. Elle révèle par exemple que l'intuition n'est pas un phénomène inné qui ne repose sur rien. Au contraire, elle est étroitement liée à un champ donné de compétences, donc à notre expérience. Peut-on développer notre intuition dans n'importe quel domaine? Comment la perfectionner et l'utiliser dans des situations particulières de la vie? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec mes invités dans un instant, qui répondront à vos messages, vos témoignages également. Nous intéresse, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque, c'est un dossier en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Saturne et ses anneaux sont à la une aujourd'hui. Oui, il y a presque 2 ans, la sonde Cassini s'écrasait sur la géante après 13 ans de service autour. Les données de ce grand final sont publiées, on les commente dans un instant. Et c'est Frédéric Milano qui est aux commandes de cette émission, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter. L'intuition, c'est donc le dossier de l'émission cet après-midi en partenariat avec Cerveau et Psycho. Et pour en parler, Sylvain Moutier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en psychologie du développement à l'Université de Paris, anciennement Université Paris-Descartes. Exactement. Il faut s'y faire. Et Sébastien Boller, vous êtes le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Sébastien, donc on va essayer d'écouter ensemble notre petite voix intérieure en explorant ce thème de l'intuition. Scientifiquement, je le disais tout à l'heure, il y a des choses maintenant très précises pour essayer de développer les mécanismes. L'étude des processus de décision est une branche des sciences cognitives quand même qui a un beau passé derrière elle, et qui a depuis un petit moment quand même distingué des processus de réflexion lents, rationnels, quantitatifs, et à l'opposé des processus plus inconscients, plus rapides, auxquels on va rattacher l'intuition. Ouais, et on verra que il y a de l'inconscient et du conscient justement dans l'intuition. Sylvain Moutier, c'est quoi alors justement l'intuition, s'il fallait en donner un tout petit résumé avant de le développer tout à l'heure? C'est cette petite voix intérieure finalement ? Eh bien absolument, c'est cette petite voix intérieure qu'on entend, qu'on peut potentiellement entendre dès qu'on est en situation de prise de décision. Or, on prend des décisions toute la journée, nous sommes des décideurs en permanence. C'est vrai. Et donc la voix de l'intuition se fait souvent entendre, pour les meilleures raisons parfois, mais pour d'autres situations, pour les pires raisons, ça peut conduire à des décisions absurdes. Absolument. Mais est-ce que c'est totalement opposé au raisonnement, l'intuition ? Non, c'est une forme de raisonnement. Ouais. C'est l'idée que quand on prend des décisions, on peut faire appel à différentes formes de raisonnement, différents processus de raisonnement, un processus intuitif ou un processus plus logique. Ouais. Plus arithmétique. Alors on va le voir, effectivement, l'intuition n'est pas toujours la bonne. On s'y est tous confrontés, évidemment. Absolument. Elle ne voit juste, écrivez-vous, que si elle a été préalablement entraînée par de longues années de pratique. Absolument. Donc l'expérience est essentielle. Ouais, elle est essentielle pour l'intuition tout court. Elle est essentielle aussi pour se méfier ou pour résister à des intuitions potentiellement dangereuses. Sébastien, est-ce qu'on va pouvoir travailler notre intuition donc en lisant ce nouveau numéro de Cerveau et Psycho ? Tout à fait. Alors ouais. Là, il y a vraiment des choses qu'on a réussi à apprendre en interrogeant Sylvain Moutier et d'autres personnes aussi. Fernand Gobet qui étudie ça à l'Université de Liverpool. Ouais, qui est un joueur d'échecs d'ailleurs. Qui est un joueur d'échecs et psychologue. Ouais. On voit qu'il y a un guide des bonnes pratiques vis-à-vis de l'intuition pour savoir en faire une alliée et non pas une ennemie. Voilà, avec des clés pour débloquer certaines situations. Donc ça peut être très utile. Oui, effectivement. Ça permet parfois de trouver des solutions optimales qu'on ne pourrait pas forcément trouver par un raisonnement conscient et pas à pas. En tout cas, j'attends avec impatience les messages des auditeurs. Je suis sûr qu'on aura des témoignages également tout à fait intéressants. Vous nous retrouvez comme tous les jours sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Sur cette planète majestueuse qu'est Saturne, à près d'1,3 milliard de kilomètres de la Terre, une sonde spatiale d'une valeur de $3 milliards se précipite vers sa destruction. Mais ce n'est pas un accident, c'est un sacrifice. Et c'est un unique passage risqué entre Saturne et ses anneaux avec une flopée de publications qui sont aujourd'hui à la une de la science, Axel. Oui Mathieu, c'est la fin contrôlée de la mission Cassini de la NASA dont on va parler. En septembre 2017, la sonde a plongé vers la planète pour s'y écraser après 13 ans de mission en orbite. Ce baroud d'honneur était l'occasion de mesures inédites pour les scientifiques sur les anneaux et sur les lunes de Saturne. Et aujourd'hui, 4 publications simultanées paraissent dans la revue Science sur ce grand final. Et nous allons en parler avec vous, Cécile Ferrari, bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue à l'Institut de physique du globe de Paris, professeur à l'Université de Paris, et vous travaillez toujours sur les données de cette mission Cassini. Alors, ce grand final, le passage entre les anneaux et la planète avant de s'écraser, quelles étaient les attentes scientifiques que nous avions? La grande attente, finalement, cet épisode final, c'était de tenter de mesurer la masse des anneaux de Saturne par une méthode unique, exceptionnelle, qui était effectivement de voir l'influence gravitationnelle des anneaux sur la sonde spatiale quand elle traverse le plan des anneaux entre la planète et les anneaux. Et donc, elle est un peu sensible, finalement, à la masse des anneaux. Et en mesurant la perturbation... On a pu les peser? On a pu les peser. Comme si on les mettait sur une balance? Oui, oui. Voilà, donc on a une valeur maintenant qui est finalement assez proche des estimations qu'on avait grâce aux sondes voyageurs. Je vous parle d'il y a... Et donc finalement, cette estimation est maintenant plus précise et donc les anneaux sont légers. Oui, alors le chiffre c'est 10 puissance 19 kg, c'est précis mais c'est pas très parlant. Comment on peut se faire une idée de ce que ça représente par rapport à la planète? Alors évidemment, c'est totalement ténu par rapport à la planète. Notre standard de mesure, c'est les petits satellites qui sont à côté. Donc, vous regarderez une image de Mimas sur Internet, vous verrez que ce petit satellite de 400 km fait tout petit par rapport à la masse, à l'étendue des anneaux de Saturne. Et pourtant, les anneaux de Saturne, en masse, sont à peu près équivalents à la moitié de ce petit satellite. Ah oui, sa moitié en plus. Ouais. Oui, c'est sa moitié. Donc, les anneaux sont des objets très étendus. Ils font plus de 200 000 km de diamètre, en fait, mais ils sont extrêmement plats, ils font 2-3 mètres d'épaisseur, donc en fait, ça en fait des objets peu massifs. Jusqu'à combien de kilomètres de la surface la sonde a continué à envoyer des données à la Terre? En fait, on l'a vu dans son agonie, en fait, puisque pendant le freinage dans l'atmosphère de Saturne, finalement, le faisceau radio était orienté vers la Terre. Mm-hmm. On l'a maintenu comme ça en direction, et donc on l'a vu brûler, en fait, et sa durée de vie a été plus longue de 30 secondes que les estimations qui étaient faites par les ingénieurs, en fait. Mais en brûlant, on n'envoie plus de données, j'imagine. Non, mais bon, à un moment donné, voilà, elle a. Donc ils se sont trompés 30 secondes. 30 secondes sur le modèle d'ingénierie, de perte de la sonde. Donc, Est-ce que le passage proche comme ça des anneaux nous a permis de voir enfin ces grains de matière qui composent ces anneaux et dont on ne sait pas vraiment quelle taille ils font, à quoi ils ressemblent? Est-ce qu'on les voit maintenant? Ça, c'est la grande frustration. Tout chercheur, une fois qu'il a effectué une grande mission, se repose d'autres questions. Mais là, celle qui reste, effectivement, c'est à quoi ressemble une particule des anneaux de Saturne? Donc même avec la mission Cassini, pendant 13 ans, en essayant de se rapprocher au plus près, finalement, on a toujours un peu cette question. Donc on a atteint une résolution sur les anneaux de 3 km, ce qui est exceptionnel. Mais c'est pas suffisant pour voir des particules qui sont de la taille du centimètre à quelques mètres. Alors on a vu des petits trains de particules, ce qu'on appelle des RER chez nous, c'est-à-dire que elles sont dans certaines zones, elles sont assez sensibles à l'attraction mutuelle entre elles, et donc elles forment des petits trains. Donc ceux-là, on les a vus, donc ils sont vraiment très intéressants au niveau dynamique pour comprendre comment localement tout ça se parle et évolue. Mais on n'a pas vu une particule des anneaux de Saturne. Donc on aimerait bien y retourner, évidemment, avec peut-être des objets volants plus à même de survoler les anneaux à très courte distance. En fait. Est-ce qu'en les voyant vraiment en bonne résolution, on pourrait répondre à la question qui fait débat depuis toujours, qui est quand est-ce que les anneaux se sont formés? Parce que là, on n'a toujours pas de réponse. Et oui, c'est ça. La discussion continue. En fait, oui, on s'est toujours posé la question de l'âge des anneaux de Saturne. Et donc, il y avait une théorie qui nous disait que si les anneaux étaient légers, finalement, ils étaient peu massifs. Donc, ils étaient plus sensibles à la pollution des météorites qui viennent dessus depuis des milliards d'années. Et comme les anneaux sont propres, s'ils sont propres, ça veut dire qu'ils sont jeunes parce qu'ils sont peu pollués. Mais il y a une théorie, il y a un modèle assez complexe derrière. Et puis, il y a quand même un grand questionnement encore sur le flux de météorites qui arrivent. Donc, il y a des tas de débats là-dessus, puisque les chiffres, donc il y a des nouvelles mesures des flux de météorites qui arrivent sur Saturne. Ces chiffres ne sont pas publiés encore, ils n'ont pas été référés, revus par des collègues. Donc, quand on lit régulièrement « les anneaux de Saturne sont jeunes », ça repose quand même sur un modèle complexe et sur des données qui sont pas complètement claires encore. Après, il y a les tenants des anneaux vieux, dont je fais peut-être partie, mais j'ai comme une intuition. Bon, parce que quand on suppose que les anneaux sont jeunes, en fait, le problème ne s'arrête pas là, c'est qu'il faut comprendre comment ils se sont formés. Et là, les problèmes se reposent, en fait. Quand ils sont vieux, c'est facile de former des anneaux au moment où la planète se forme, massif, voilà. Ils vont évoluer, ils vont s'étaler autour de la planète, et en s'échappant de Saturne, ils vont former des petits satellites, et puis sinon, ils vont tomber sur la planète. Et donc, avec cette théorie des anneaux vieux, finalement, on explique la masse actuelle. Parce que quand on fait des modèles, la masse actuelle des anneaux est la masse vers laquelle ils doivent tendre au bout de 4 milliards et demi d'années. Donc il n'y a pas besoin d'autre chose. Et en plus, ils aident à former les petits satellites, etc. Donc c'est une théorie qui est finalement relativement simple. Et qui, voilà. Mais bon, il y a ce problème de la pollution. Hein, c'est comme sur Terre, on a aussi nos problèmes de pollution à Saturne. Et donc il faut essayer de résoudre cette question. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les anneaux devraient être... si pollué, est-ce qu'on s'est pas trompé quelque part? Donc le débat reste actif, même si on a beaucoup de collègues qui ont envie que les anneaux soient jeunes. En 13 ans quand même, avec Cassini, on a appris quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est une dynamique dans les anneaux, des lunes qui font leur place, qui s'éloignent, qui se rapprochent. On a vraiment compris les anneaux, vous le diriez, après Cassini? On a mieux compris ce qui se passe à petite échelle de temps, donc... on se pose des questions sur les grandes échelles de temps, l'âge des anneaux, mais finalement, en approchant, on a mieux compris ce qu'on appelle la microdynamique, la microphysique. Donc, toutes ces petites turbulences qui arrivent et on voit mieux comment les particules interagissent entre elles, comment elles vont réagir à la perturbation d'un petit satellite. Donc, ces histoires de famille entre anneaux et satellites, autant au niveau dynamique qu'au niveau chimique, on les comprend beaucoup mieux. Il faut une autre mission pour aller les voir, ces grains de près. Sûr, ah, oui, bien sûr, évidemment. Pas avec moi, mais je serai un peu vieille quand même. Il y en a dans les tuyaux à la NASA ou ailleurs des missions qui retourneraient vers Saturne? Bon, il y a des missions qui sont prévues vers Titan, on espère vers Encelade, parce que bon, quand on fait le chemin, on ne va pas y aller pour un objet, on va essayer de faire d'autres... Encelade qui est une lune. Oui, une lune Brancelade, c'est la lune des geysers, voilà, de la vie possible en sous-surface. Donc il y a évidemment plein de choses intéressantes. Voilà. Mais on a aussi envie de retourner vers Uranus et Neptune. Donc, il va falloir choisir. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Merci beaucoup Cécile Ferrari, vous êtes planétologue à l'Institut de physique du Globe de Paris. Axel, à demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la fonte éclair du Groenland qui fait le buzz, mais de travers, puisque depuis samedi dernier, on peut lire dans beaucoup d'articles en ligne que 40% des glaces du Groenland auraient déjà fondu. Il s'agit en réalité d'une information très déformée. Jeudi dernier, en effet, un chiffre du centre de mesure danois, Polar Portal, dévoilait que 40% des glaces avaient commencé à perdre justement de la glace cette saison. C'est déjà un très triste record qui pourrait nous amener à des records de fonte supérieurs à ceux de 2012. Mais si 40% des glaces avaient fondu, de nombreuses zones côtière serait complètement submergée. Un nouveau pesticide dans le viseur. Un article du Monde révèle cette semaine que le chlorpyrifos, un insecticide associé notamment à des déficits de QI chez l'enfant, est toujours autorisé malgré des études scientifiquement accablantes. Son processus de renouvellement dans l'UE arrive à son terme et les associations comme les scientifiques espèrent qu'il sera définitivement interdit en France à cette occasion. Pointé également du doigt pour ses effets perturbateurs endocriniens et neurotoxiques. Un nouveau combat se lance donc à l'échelle de l'Europe. Et puis les chiens ont-ils un muscle spécialement apparu du fait de leur interaction avec nous? Eh bien, en comparant l'anatomie de chiens et de loups, des chercheurs démontrent que nos amis possèdent un muscle facial que les loups n'ont pas. Ce muscle leur permet de soulever intensément les sourcils et leur donne cette expression particulière avec des yeux plus grands et un regard triste. Ce muscle supplémentaire se serait développé, selon les auteurs, durant des milliers d'années afin d'améliorer la communication avec nous les humains. Savoir écouter son intuition, c'est le dossier dans un instant. Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps, le temps. Et Charles Aznavour. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Et une plongée au cœur de l'intuition, sujet cet après-midi de l'émission en partenariat avec le dossier du magazine Cerveau et Psycho qui sort dans les kiosques. Et pour en parler, répondre à vos messages et vos témoignages, Sylvain Moutier est avec nous, professeur donc en psychologie du développement à l'Université de Paris, le nouveau nom donc de Paris Descartes, et Sébastien Boller, le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Donc on attend vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Sylvain Moutier et Sébastien, le sujet passionne. L'intuition, c'est absolument concernant. Tout le monde a quelque chose à en dire, Sylvain Moutier. C'est étonnant, hein? Ouais, c'est étonnant, mais moi qui suis passionné par cette question, je comprends bien l'intérêt, parce que l'intuition, ça nous fait penser à la prise de décision. Et donc les prises de décision, on en prend tous les jours, tout le temps, donc c'est important pour nous. Et puis l'intuition, ça pose la question aussi de l'intelligence. Parce que finalement, dès lors qu'on se pose la question de savoir si nos intuitions sont bonnes ou sont mauvaises, se pose en filigrane la question du développement de l'intelligence, de l'évolution de l'intelligence. D'où ça vient tout ça, ouais. D'où ça vient et comment peut-on l'améliorer? Vous voyez, peut-on faire des apprentissages pour améliorer notre intuition ou pour éviter les mauvaises intuitions? Et c'est la question qu'on se pose à différentes étapes de développement, du bébé à l'adulte, chez les sujets ordinaires comme nous, ou chez les sujets avec un trouble du spectre de l'autisme, par exemple. Ouais. Alors, vous, comment vous abordez cette question-là en tant que professeur de psychologie, justement? Ça intervient à quel moment dans vos cours, ça, l'intuition? Eh bien, ça intervient sous l'angle de la question comment devient-on intelligent? Ouais. Et ça intervient, on essaye d'expliquer à nos étudiants, ou nos collègues, parfois, que être intelligent, c'est pas seulement avoir des connaissances pour répondre à une question. Être intelligent, c'est savoir sélectionner parmi les différents types de connaissances qu'on pourrait avoir à l'esprit. Ouais. Parce que bien souvent, prendre une décision, même si on s'en rend pas compte, c'est résister à un dilemme. Parce que plusieurs représentations, plusieurs candidats à réponse peuvent surgir à notre esprit quand on nous pose une question, quand on nous demande de faire un choix. Et être intelligent, ça, c'est non seulement avoir la bonne réponse dans notre espace mental, mais c'est être capable de résister aux mauvaises pour pouvoir exprimer la bonne. On a tous connu des situations où d'un seul coup, on s'est entendu répondre quelque chose, alors qu'on se disait « mais zut, j'avais la bonne réponse par ailleurs ». Et c'est là où l'intuition et la résistance qu'on peut avoir aux mauvaises intuitions, elle est cruciale du point de vue de la qualité de nos réponses. Ouais. Sébastien, c'est passionnant, et évidemment, on va d'ailleurs voir, et c'est peut-être aussi une des révélations pour bon nombre d'entre nous, c'est que finalement, l'intuition, elle est aussi lié à nos connaissances et à notre savoir. Et oui, et la question du choix est cruciale. Sylvain Moutier vient de le dire, on est confronté à des choix, et je pense que c'est ça qui fait que l'intuition est un thème qui fascine. Mm-hmm. C'est que on s'en rend pas compte, mais on est dans une société où on est confronté à des choix mais qu'on n'aurait même pas imaginé il y a un siècle ou deux. C'est-à-dire que l'éventail du choix devient gigantesque et parfois source de frustration. Et réfléchir à toutes les opportunités qui sont possibles et comment faire, que ce soit pour acheter quelque chose, que ce soit le choix d'un partenaire, que ce soit sur Internet, l'éventail est tel qu'à un moment on se dit mais Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite recette miracle qui va me dire finalement qu'est-ce qui est bon pour moi et m'éviter des efforts de réflexion? Donc c'est ce qui fascine. Alors, mais justement, on voit qu'il n'y a pas de miracle là. C'est qu'il y a des choses très concrètes quand même à la base de tout ça. Non, alors oui, il y a des choses très concrètes, mais il y a quand même quelque chose qui est, c'est pas de l'ordre du miracle bien sûr, mais une puissance parfois de l'intuition pour trouver des choses qui peut vraiment apporter quelque chose par rapport à au fait de se prendre la tête rationnellement. Ouais. Voilà, il y a une puissance de computation dans le cerveau qui n'est pas toujours reliée à une pensée symbolique algorithmique, voilà, et qui dépasse parfois notre pensée purement consciente et logique. Ouais. Et par contre, elle repose sur des processus biochimiques neuronaux tout à fait réels. C'est pas de la magie, mais quand on voit comment ça fonctionne dans le cerveau, quand on voit comment ça peut se développer de la même façon que l'intelligence, et effectivement, à ce moment-là, on tombe sur une science de l'intuition. Ouais. Sylvain Moutier, il y a ce message d'Erwan qui nous écrit. Il nous dit: au poker, on parle beaucoup de l'intuition. La prise de décision par intuition est souvent confirmée ou infirmée, d'ailleurs par le calcul. Il semblerait qu'inconsciemment, notre cerveau ait enregistré des situations antérieures similaires à celles du moment et guide alors notre décision dite intuitive. La prise de décision par l'intuition serait en fait donc une prise de décision hyper rationnelle avec des éléments de jeu très concrets mais inconscients. Qu'en pensez-vous? Eh bien, totalement d'accord, non? Je suis tout à fait d'accord. Alors après, il faut s'entendre sur le mot rationnel. On peut considérer qu'il y a plusieurs types de rationalité. Oui. Et dans certains cas, pour les prises de décision complexes, sous incertitude, comme le poker, on a bien besoin, non pas de miracles, effectivement, mais d'habitudes acquises, en quelque sorte, qui vont avoir une vraie forme de rationalité. Parce que on a fini par acquérir des habitudes que l'on sait très utiles, qu'on peut développer immédiatement, sans trop y réfléchir, mais on sait que ça va marcher la plupart du temps. Et donc, c'est une forme de rationalité adaptative qui est pas algorithmique. Là, c'est pas de, on va pas faire un calcul. D'ailleurs, sans doute le calcul serait trop compliqué et puis soumis à l'incertitude. Et donc c'est l'intuition dans ces cas-là, ça peut être une vraie forme de prise de décision rationnelle. C'est une forme de rationalité. Oui. Mais il y en a une autre. Après, il y a une rationalité qui est logico-mathématique. Oui. Et parfois, elles sont en conflit. Alors, Sébastien, dans ce dossier, de cerveau psycho, vous n'avez pas un joueur de poker, mais un joueur d'échecs, qui vous signe un très très bel article sur la question, qui a étudié vraiment les choses aussi par le prisme de son jeu. Oui, et il dit ça, en fait. Il explique que les joueurs d'échecs, au fur et à mesure qu'ils apprennent, alors au début ils sont novices et puis et ils avalent des parties, ils jouent et puis ils potassent aussi des configurations de jeu. En fait, ils se créent une base de données de situations de jeu, de milliers de parties. Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau emmagasine ça sans qu'on y fasse attention, simplement par la pratique. Et après des années de pratique, face à une situation donnée, à ce moment-là, la décision de jeu devient instantanée. Parce qu'au moment où on est confronté à une situation sur l'échiquier, alors d'une part, ce qu'il voit, c'est que un joueur expérimenté ne regarde pas les pièces, mais les groupes de pièces. C'est-à-dire que son regard se promène sur l'échiquier, il repère des motifs. Alors, c'est pas forcément rationalisé, mais l'œil suit ce genre de déplacement. Donc, ça veut dire qu'il a repéré ce qu'on appelle des patterns, des motifs de jeu, des régularités, un petit peu comme un chasseur dans son environnement, et que tout ça s'est métabolisé au plus profond de son cerveau. C'est même dans quelle zone ça se passe. Oui. Alors, vous devinerez jamais, c'est dans une zone qui s'appelle le gyrus fusiforme, qui normalement est associée à la reconnaissance des visages. Ouais. Droit, non, c'est ça en plus, non. Il alors, pas... c'est vous non, c'est pas le côté droit. Peut-être en plus, le côté droit, je ne sais plus. Me semble-t-il, mais bon. Voilà. En tout cas, c'est normalement, c'est appliqué dans la reconnaissance des visages, et on comprend pourquoi les reconnaissances des visages, c'est un truc très compliqué, mais qu'on fait automatiquement. D'accord. Et le cerveau des joueurs d'échecs utilise cette capacité de traitement très complexe mais automatique du gyrus fusiforme pour photographier des dispositions sur un échiquier, et il utilise ça ensuite pour sortir des résultats. Enfin, c'est ce qui fait que pendant très longtemps, le cerveau humain a encore tenu tête aux ordinateurs. Alors, dans les années 70, il y a deux psychologues, Amos Tversky et Daniel Kahneman, qui se sont intéressés aux couacs, aux erreurs justement de la raison, et il y a eu un prix Nobel à la clé, un petit peu plus tard, en 2002, prix Nobel d'économie. On va écouter justement la remise de ce Nobel cette année-là. Professeur Kahneman, vos idées d'envergure en psychologie cognitive ont permis de grandes avancées. Des découvertes qui guident maintenant la formulation de nouvelles théories dans la finance et l'économie. De nouveaux ponts entre la psychologie et l'économie sont le résultat de vos travaux pionniers. J'ai l'immense honneur de vous adresser de chaleureuses félicitations au nom de l'Académie. Je vous prie de bien vouloir vous avancer pour recevoir votre prix des mains de Sa Majesté le Roi. from the hands of His Majesty the King. Professor Kahneman receives his medal and diploma from the hands. Voilà, toutes les trompettes et la solennité du prix Nobel pour justement Daniel Kahneman en 2002. Alors comment on passe de la psychologie à l'économie, Sylvain Moutier? Eh ben, exactement comme ça, c'est le grand scoop de toute cette histoire. C'était la découverte que l'intelligence, comprendre l'intelligence, c'est comprendre aussi les erreurs. Et que comprendre l'intelligence, c'est pas modéliser un être humain qui serait tout le temps logico-mathématique parfait, comme avaient pu le modéliser les économistes. Ouais. Et donc tout le travail de Tversky Kahneman, c'était d'étudier les couacs de l'intelligence et de réaliser que les couacs accompagnent notre activité psychique de tous les jours. Donc si vous voulez modéliser les groupes humains, il faut prévoir aussi leurs erreurs. C'est ça. Et il y a même des décisions totalement absurdes qui sont prises à cause de l'intuition. Hein, parce qu'on va pas faire que valoriser l'intuition aujourd'hui, il faut s'en méfier aussi. Et c'est ça, il y a plusieurs chemins intuitifs qui peuvent nous mener au meilleur comme au pire. Et alors c'est un terrible paradoxe, parce que je vous disais tout à l'heure que, et on était d'accord là-dessus, l'intuition c'est une forme de rationalité, parce que c'est lié à des habitudes acquises. Ça marche la plupart du temps. Donc c'est rationnel, c'est un système de pensée qui est rapide, économique, donc c'est très précieux. Vous voyez, heureusement qu'on peut se baser sur l'intuition dans la plupart des décisions qu'on prend tous les jours. Ouais. Néanmoins, cette même forme de décision rapide, économique, rationnelle peut nous conduire aux pires décisions absurdes, parce que ça marche la plupart du temps, mais dans des contextes, on va certainement donner des exemples, dans certains contextes, on produit une décision complètement absurde, à l'encontre de nos connaissances logico-mathématiques évidentes. Ouais. Vous pensez à quoi? Allez, on donne un exemple tout de suite, comme ça on illustre vos propos. Un exemple qu'on donne classiquement dans les cours de psychologie, c'est un exemple qui est lié à un auteur qui s'appelle Frédéric. C'est une forme de test, un petit test arithmétique tout simple, qui s'appelle le cognitive, le reflection test. Et l'exemple qu'on donne, c'est, vous imaginez que vous êtes face à un magasin de sport, article de plage, vous voyez, et à travers la vitrine, vous voyez un ensemble qui est une raquette et une balle. L'ensemble vaut 1 euro et 10 centimes. Vous avez une petite étiquette qui vous indique que la raquette vaut 1 euro de plus que la balle. La question qu'on vous pose, c'est combien vaut la balle? Alors, Lucie Sarfati, qui a préparé ce dossier, a interrogé tout le bureau sur la question, et tout le monde est tombé dans le panneau. Eh ben, en général, on pense tous à 10 centimes. La première réponse qui nous vient à l'esprit, alors on l'énonce ou pas, mais la première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est 10 centimes. Or, elle est inexacte, cette réponse. Et ça, c'est un calcul arithmétique tout simple. Dès un enfant de 7 ans peut résoudre le problème. Si la balle vaut 10 centimes, la raquette, elle vaut 1 euro de plus que la balle. Ça nous ferait une balle à 10 centimes et une raquette à 1,10 euro. Total 1,20€, ça marche pas, puisqu'il nous faut un total à 1,10€. La bonne réponse, c'est 5 centimes. Mais pour pouvoir répondre 5 centimes, là, on voit bien le dilemme de la cognition. Être intelligent, adapté dans ce problème, c'est être capable de résister à l'habitude qu'on a tous de se focaliser sur l'élément qui est cité dans l'énoncé, en vue de rattraper nos capacités de calcul arithmétique élémentaires. Mais si on ne résiste pas à l'intuition, et l'intuition, alors là, elle est terrible, vous voyez. C'est une intuition qui est rationnelle la plupart du temps. La réponse est dans l'énoncé. On a tous entendu ça depuis notre tendre enfance. Concentrez-vous sur les éléments du problème. La réponse est là. Et bien, dans ce cas-là, elle n'y est pas. Et on oublie de s'intéresser à d'autres éléments. Ça me rendait fou, ça, à l'école. Ça me rendait dingue, ce genre d'exercice. Parce qu'on tombait toujours dans le panneau, évidemment. Sauf que les bons en maths, en général. Il y en a une que je trouve très, très savoureuse. C'est le portrait de Lisa ou Linda. Qui vient de faire ce qui est Kahneman, cette tâche. Linda est une militante féministe anti-nucléaire qui était à Woodstock. Enfin, je sais pas. Et ensuite, elle avance dans la vie et on vous demande si Linda est employée de banque ou employée de banque féministe. Tout le monde répond employée de banque féministe. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit juste employée de banque, puisque le fait d'être employée de banque féministe fait partie des nombres de cas où elle est employée de banque. Mais on réfléchit pas en termes d'inclusivité des ensembles et en termes de probabilité, donc on se trompe. Et on se dit inclusivité des ensembles, tout de suite ça paraît compliqué. Oui. Mais il faut avouer que si on vous avait posé la question, est-ce que vous avez plus de chances de rencontrer une femme soit riche, soit belle, ou une femme riche et belle? Là, vous pensez bien à la conjonction. Oui. On a moins de chances de rencontrer quelqu'un qui serait riche et beau. Et donc on a bien cette connaissance. Là, vous voyez, l'intelligence, c'est pas seulement d'avoir la connaissance sur les notions de probabilité, c'est aussi d'être capable de gérer cette compétition entre l'aspect représentativité, comme elle était militante dans sa jeunesse, elle est sûrement encore féministe, vous voyez, et là, notre intuition nous oriente vers la mauvaise réponse. Voilà. On transgresse nos capacités logico-mathématiques élémentaires. Avec un chemin parsemé de pièges sur la route de l'intuition. On en parle cet après-midi dans La Tête au Carré. Regarde chacun mes souvenirs divers. En moi, les mois coulent telle rivière. L'espoir, je laisse croître en nous la lumière. L'amour, l'amour se dans son hiver. Regarde. Amour, armure, c'était Clément Froissart sur Inter. Vous savez, parfois, on peut savoir que cela fonctionne vraiment en trouvant les liens intermédiaires. C'est une perception par des liens intermédiaires et vous n'obtenez que le résultat de cette chaîne de liens, de ces associations. Parfois, vous réussissez à le savoir, mais le plus souvent, vous n'y arrivez pas. Donc ma définition est que l'intuition est une perception de pensées incontrôlées qui sont issues de l'inconscient. Voilà, c'était la voix du psychanalyste Carl Jung au sujet de l'intuition. C'est notre dossier cet après-midi avec Cerveau et Psycho qui vient de sortir dans les kiosques. Et c'est le numéro aujourd'hui de même. Juillet-août, ouais. Sébastien. Donc on aura tout l'été sur la plage pour méditer sur l'écoute de l'intuition et puis essayer de trouver des clés justement pour débloquer des situations. Mais ça débloque vraiment certaines choses hein. Mais bien entendu. Regardez Kahneman et quand ils ont eu leur prix Nobel, le président du comité prononce le mot insight en anglais. La traductrice a dit vos idées, mais insight en anglais ça se dit aussi intuition. Et ça décrit bien ce qui est à l'œuvre en fait dans le processus de découverte novatrice en science. Souvent il y a un chercheur qui pendant des années creuse un sillon, prend connaissance de tout ce qui a été publié dans son domaine, et il faut ce travail de préparation, et à ce moment-là il y a un niveau d'expertise qui est tel qu'il y a tellement de données qui ont été emmagasinées au niveau inconscient, comme dit Jung, il y a une incubation, et puis à un moment il y a une idée. Alors il y en a qui disent comme Kekulé l'image de la formule du benzène qu'il a vue en rêve, ou alors Mendeleïev c'était le tableau périodique des éléments. Il y a une dimension qui est intéressante, c'est le corps quand même, parce que Einstein, il a expliqué comment il avait eu l'intuition de la théorie de la relativité générale, il s'était senti corporellement sur une espèce d'espace forme, voilà, et ça par la suite, ça a été rapproché des expériences de Antonio Damasio sur les marqueurs somatiques, parce qu'il faisait des expériences avec des tas de cartes que les gens devaient manipuler et sentir lesquelles donnaient lieu à des gains et lesquelles donnaient lieu à des pertes. Les gens savaient pas quelle était la règle, mais au bout d'un moment, ils prenaient des choix plutôt sensés et on s'est rendu compte que c'était des réactions corporelles qui les guidaient. Donc c'est quelque chose qui y a une vertu heuristique comme ça, comme du corps. Mais ensuite, quand on fait des sciences, une fois qu'on a trouvé une idée, il faut prouver qu'elle est vraie. Ouais. Donc ensuite, il faut faire toutes ces étapes intermédiaires dont parlait Jung pour démontrer, voilà. Et Poincaré, le grand mathématicien, il avait une super phrase pour ça. Il disait l'intuition trouve, la logique prouve. Oui. C'est vraiment une phrase clé. Oui. Sylvain Moutier, on a plein de phrases d'ailleurs des auditeurs. Nathalie nous dit, j'ai lu quelque part que l'intuition est un excès de vitesse de l'intelligence. Qu'en pensez-vous? Eh ben, c'est vrai, dans ce cas, c'est une intuition qui va conduire à une décision absurde. Mais c'est vrai aussi que l'intuition, ça peut être un excès de vitesse qui nous permet d'aboutir à quelque chose de nouveau, de formidable. C'est l'intuition de Sherlock Holmes, c'est l'intuition d'Einstein, c'est l'intuition visio-spatiale. Et ce dont vous parliez, Damasio, c'est assez formidable. Les tâches de Damasio, les épreuves de laboratoire, c'est des épreuves un peu de casino, de jugement, c'est du jugement sur l'incertitude. Vous allez retourner des cartes et vous pouvez gagner ou perdre de l'argent, mais vous avez aucune idée sur quels sont les bons ou les mauvais tas de cartes. Et d'un seul coup, on se rend compte que les sujets de l'expérience, vous et moi, enfin après il a étudié aussi des patients, mais les sujets de l'expérience, ils ont un comportement qui démontre que c'est un comportement rationnel. Ils connaissent la réponse, ils ont trouvé la clé sans le savoir du bon tas de cartes parce que ils ont eu des intuitions émotionnelles qui les ont conduits à éviter l'état dangereux. Le consciemment, ils ne se rappellent pas de toutes les pertes ou de tous les gains, mais par contre leurs émotions, leur cerveau émotionnel, lui, il se souvient bien des pertes et de la douleur ressentie en cas de perte. Et donc, du coup, ils évitent, sans le savoir, les mauvais tas. Et puis après, tout ça est rattrapé par les connaissances logico-mathématiques et ils finissent par avoir une bonne conscience de la règle. Mmh. Mais en tout cas, ils prennent la bonne décision avant même de le savoir. C'est Patrice beau, nous dit, l'intuition liée aux intentions de personnes physiques ou morales est bien souvent corrélative à des informations que l'on pressent sciemment, cachées. L'intuition semble fréquemment un outil des journalistes pour découvrir une vérité qui ne demande qu'à éclore. Qu'en pense le journaliste Sébastien Boller? Oui, mais je rajoute toujours qu'il faut avoir beaucoup travaillé avant, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'intuition valable si on n'a pas vraiment ingurgité des données abondantes sur un système. Pour reprendre Kahneman et sa théorie, évidemment, Sébastien Moutier, on peut parler de deux systèmes, système 1 et système 2. On va entendre la voix de Kahneman. Vous nous donnez juste un petit repère pour qu'on comprenne l'archive qu'on va entendre. Et c'est qu'on a deux façons de penser, en fait. On a deux façons de prendre des décisions, deux façons de résoudre des problèmes. On appelle ça des doubles processus ou des doubles systèmes. Le système rapide intuitif et le système logico-mathématique. Et Kahneman nous l'explique lui-même. Le système 2 aussi utilise la mémoire associative. Et donc, quand le système 2 est engagé, on peut se poser la question, qu'est-ce qui engage le système 2? En général, ce qui engage le système 2, ce sont des difficultés. Ça veut dire quand tout va bien dans notre esprit, on est de bonne humeur. D'ailleurs, l'humeur a beaucoup à faire avec tout ça. On est de bonne humeur, on est intuitif, on est rapide. Quand les choses vont moins bien ou qu'on est vigilant, il y a des dangers, des risques, par exemple, parce qu'on est en examen, alors ce sera le système 2 qui sera beaucoup plus actif, il contrôlera plus, on fera moins d'erreurs impulsives et on se conduira très différemment. Mais ça provient du fait que nous reconnaissons dans l'environnement, nous reconnaissons les signes que maintenant il faut se mobiliser, maintenant il faut faire attention. Et dans un sens, c'est le système 1 qui mobilise le système 2. Voilà le professeur Daniel Kahneman, donc prix Nobel, et qui nous expliquait, en tout cas en 2012 à l'école normale supérieure, eh bien justement la différence entre le système 1, rapide, instinctif et émotionnel, et puis le système 2, plus lent, plus réfléchi et plus logique. Et notre système de pensée fait le va-et-vient entre les deux en permanence. Eh ben, en tout cas, dans l'idéal, il fait le va-et-vient. Ouais. Mais alors là, c'est l'idéal parce que il faut bien comprendre que on a deux systèmes de pensée, mais il ne faut pas que coexister. Ils sont aussi souvent en compétition. Et donc là, c'est pas seulement un va-et-vient, c'est une histoire d'arbitrage. Et c'est un arbitrage qui est évidemment coûteux. Vous voyez, le but du jeu, c'est pas seulement d'adopter un mode de fonctionnement compliqué, c'est pas seulement d'adopter le système 2, c'est aussi parfois être capable de supprimer le système 1 logique, enfin le système 1 automatique très rapide. Si vous le bloquez pas, et ben vous allez exprimer une réponse spontanée qui n'est pas forcément pertinente. Ouais. Donc vous voyez, c'est un dilemme et être intelligent, c'est gérer la compétition entre ces deux systèmes. Et tout ça est très énergivore, Sébastien Boller, justement. Mais c'est surtout quand on s'appelle à la rationalité, non? C'est surtout le système 2 qui est énergivore. C'est pour ça qu'on l'utilise moins. Quand il faut trop réfléchir. C'est crevant. Oui. Et la question, c'est pourquoi on arrive, dans certains cas, à adopter système 2? Parce qu'on pourrait se dire qu'il vaut mieux se vautrer dans un système 1 automatique qui marche la plupart du temps. Et c'est là que les émotions, elles peuvent nous piéger en termes d'intuition, ça peut nous conduire à de mauvaises intuitions, mais c'est aussi les émotions, comme s'il y a un double jeu émotionnel qui peuvent nous créer des alertes, comme dans ce qu'on évoquait avec Damasio. C'est grâce à des alertes émotionnelles qu'on va se dire attention, là, il est temps d'éviter mon intuition, d'éviter ma réponse habituelle. C'est l'ascenseur émotionnel qui va nous permettre de mobiliser notre énergie mentale, qui va ensuite nous permettre de résoudre le conflit. Des alertes émotionnelles ou le fait d'être en contact avec quelque chose qui contredit notre vision aussi. Je pense beaucoup aux stéréotypes ou aux opinions qu'on a. Voilà, sur les groupes de discussion sur Internet, on est habitué à avoir notre vision du monde, qu'elle soit complotiste ou autre, et puis on fonctionne comme ça avec cette vision automatique, on réfléchit plus. Et si on n'a pas quelqu'un qui vient d'un autre horizon et qui nous dit, bah non, la réalité c'est pas seulement ton petit système de pensée, mais regarde, il y a des preuves contradictoires. Là, on peut avoir le réflexe d'enclencher la pensée logique. Et là, mettre en branle l'esprit critique et se dire, mais peut-être que les intuitions, enfin, ou les habitudes de pensée que j'avais, ce système intuitif, faut que je le remette quand même à l'épreuve de la réalité. Vous savez, ce que vous dites là, ça a bien été démontré, y compris chez l'enfant, c'est le principe du conflit socio-cognitif. D'un seul coup, on va développer une pensée de plus haut niveau en étant confronté à un argument contraire au sien. Et Stéphanie nous dit dans le problème sur la raquette et la balle de tout à l'heure à 5 centimes, là, l'intuition n'est pas d'avoir la réponse à son problème, mais de savoir qu'il y a un piège. Ouais, mais alors là, sommes-nous encore dans l'intuition? Ouais. À mon avis, non. Là, vous voyez, là, savoir qu'il y a un piège, on est déjà dans le système 2 parce qu'on est déjà dans des connaissances de plus haut niveau, connaissances qui peuvent s'apprendre. Et l'intuition, c'est dans la tête au carré cet après-midi. Rejoignez-nous avec vos messages sur franceinter.fr. Come, my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard and the storm is far from over, my lady love, that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness. Oh, my lady darling, it's true. I'll give my let me show you how. Let me show you now. I long to hear your voice 'neath the night forlorn and to gaze for a while into your eyes reborn. Though my mind sometimes gets weak and cold, you remain like a song in my heart and soul. When the rain is falling hard and the storm is far from over, take away my sadness. Oh, lady darling, it's true. I give my world to you. Let me show you how. Let me show you now. Si vous aimez cette voix, c'est celle de Roseau avec à l'instant Heart and Soul. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Sébastien Boller et Sylvain Moutier à mes côtés pour parler de l'intuition à l'appui, ce nouveau numéro dans les kiosques de Cerveau et Psycho qui fait sa une sur le fait de savoir écouter son intuition. Vous qui en êtes un des professeurs, justement Sylvain Moutier, en tout cas un des sujets que vous abordez dans vos cours, est-ce que vous faites souvent appel à votre intuition? Est-ce que vous l'avez aiguisée au fil de vos connaissances? Alors, on a tous aiguisé notre intuition, puisque par définition, c'est une habitude acquise qui nous est bien utile pour nous économiser des réflexions complexes. Vous imaginez, s'il fallait tout le temps utiliser notre réflexion logico-mathématique pour chaque décision du quotidien, on serait vraiment épuisé. Mais est-ce que ça marche bien chez vous? Donc, je pense que si je me suis intéressé à cela, c'est sans doute parce que j'avais repéré que j'avais pu commettre des décisions absurdes. D'accord. Et l'essentiel de mon travail, c'est d'essayer de démontrer, et ça fonctionne, qu'on peut s'entraîner à résister à ces décisions absurdes, on peut s'entraîner à résister à ces intuitions erronées, et donc on peut développer des compétences de plus haut niveau ancrées dans leurs émotions. Ouais. Il y a Maurice qui nous écrit, c'est pas très gentil, dit-il, de poser des questions de maths à l'heure de la sieste, il a fallu que je pose l'équation sur un papier pour vérifier si le prix de la balle était bien 50 centimes par rapport à la raquette. Oui, il y a des auditeurs qui vérifient vos données, et on leur remercie, il a bien fait. Nicolas nous dit, Sébastien, si l'intuition repose sur une grosse quantité de données engendrées par l'utilisateur, est-ce qu'une IA, une intelligence artificielle qui n'est qu'au fond qu'une grosse base de données, peut faire preuve d'intuition, elle aussi? Réflexion en direct sur France Inter, dans le cerveau de Sébastien Boller. J'ai l'impression que oui, mon instinct, mais... Votre non, mais attention, je, oui. Je sais pas. Je crois que le principe même de l'apprentissage par les réseaux de neurones dans les IA, y a de ça. C'est-à-dire que on leur donne à mémoriser et à traiter des milliers, des dizaines de milliers, des millions de situations. Et de cette imprégnation résulte un pouvoir de reconnaissance d'image ou, mm-hmm. ou autre. Sylvain Moutier, un complément de réponse? Ben, je suis assez d'accord. Pour moi, ça m'évoque vraiment la complexité des données et puis la répétition des données aussi qui est observée par les ordinateurs pour l'intelligence artificielle. Ça conduit à penser que ça ressemble un peu aux habitudes acquises liées aux intuitions. Alors, reste à espérer que l'intelligence artificielle développera également des processus de plus haut niveau, le système 2 de Kahneman, pour faire une sélection pertinente de toutes les connaissances acquises comme ça en masse. Vous voyez, parce que encore une fois, si c'est vrai pour l'être humain à toutes les étapes de la vie, ce sera vrai aussi pour l'intelligence artificielle. Être intelligent, c'est pas seulement accumuler des connaissances, c'est être capable de les sélectionner dans le meilleur contexte possible. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Si vous connaissez l'histoire de l'IA sur les réseaux sociaux qui a développé des stéréotypes racistes. Exactement. Mais ça, les stéréotypes, on peut aussi ranger dans le système 1, parce que ce sont des jugements à l'emporte-pièce qui permettent de gagner du temps, de répondre. Et on s'est rendu compte que cette IA sur Internet qui était devenue raciste, c'est simplement d'ailleurs, il y a d'autres versions. On lui avait donné comme critère dans la façon de communiquer. De trouver des messages qui aient le plus de résonance possible dans la communauté. Il s'est avéré qu'évidemment, quand vous postez des tweets homophobes ou racistes, il y a plein de monde qui réagit. Donc c'était devenu un système qui s'auto-alimentait. Ouais. Voilà. Et voyez, là on est dans l'intuition du jugement de représentativité. C'est pas parce que ça nous paraît familier, c'est pas parce que ça arrive souvent que ça arrive tout le temps. Oui. Alors justement, c'est ça le danger du stéréotype. Victor nous écrit, nous dit, à la lumière des études données sur le poker ou les échecs, est-ce qu'on a essayé de vérifier la quantité de résultats réussis ou perdus grâce à l'intuition? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Alors là, c'est très compliqué parce que là, on a fait appel à plein de domaines différents, de l'arithmétique, au jugement sur l'incertitude, etc. C'est compliqué de faire une base de données, mais ce dont on est sûr, c'est que la plupart du temps, les intuitions vous mènent plutôt à des réponses adaptées. C'est une forme de rationalité qui est extrêmement utilisée au quotidien. Donc, s'il fallait faire une prédiction, vous voyez, on va demander aux auditeurs de la vérifier ensuite. Je pense que la plupart du temps, les intuitions sont plutôt bonnes. Ouais. Par contre, quand il y a une décision absurde, là, elle peut être terrible. Sébastien? Pour reprendre ce que nous disait Fernand Gobet, donc professeur de psychologie cognitive et champion d'échecs, d'après lui, en fait, les résultats de l'intuition sont presque toujours avisé quand il relève d'un champ d'expertise bien précis. Voilà. C'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. Donc là, c'est partout. C'est pas juste les échecs. Lui, un médecin, par exemple. C'est le champ précis de. Quand un médecin livre un diagnostic, il va pas reparcourir 10 000 pages d'anal. Simplement, il a vu des milliers de patients. Tout ça s'est stocké dans son cerveau, dans sa mémoire à long terme. Il livre un diagnostic, qui sort. Et puis après, il vérifie quand même. Mais ça marche très très bien. Un footballeur, alors j'étais étonné aussi parce que je disais tiens, il y a l'intuition dans le football, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a mémorisé des configurations de jeu. Prenez Kylian Mbappé qui rentre dans une défense de foot, et en fait il a mémorisé des tas de configurations des défenseurs, et à un moment il se dit j'y vais pas, et la mémoire à long terme de toutes ces situations passées ressurgit, donne une instruction, tu y vas. Catherine nous dit, l'intuition, même si elle peut parfois défaillir, n'est-elle pas une arme redoutable face au formalisme? Alors là, il y a un vrai débat, c'est quasi de la philosophie de l'esprit, parce que on pourrait dire que l'intuition a un certain formalisme, puisque l'intuition est comme ancrée dans une répétition. Ce que Sébastien Boller vient de décrire pour le diagnostic médical, c'est toute une expertise qui est liée à la répétition de situations identiques, où d'un seul coup, ils vont pouvoir poser un diagnostic exact. Et ça, c'est plutôt du côté du formalisme. Et c'est là où il y a justement un danger, c'est que parfois, il faut sortir de ce formalisme intuitif. On l'a vu aussi pour les prises de décisions financières catastrophique. Il y a beaucoup d'intuition dans les grands décideurs de nos banques, vous voyez. Ouais. Et donc un grand financier, il peut aussi se baser sur une sorte de formalisme des formes, des courbes d'évolution des produits. Ça marchera la plupart du temps, jusqu'au jour où une forme va l'induire à une réponse habituelle, sauf que là, ce sera une situation piège qu'il aurait mieux fait d'inhiber. Il y a une autre phrase incompulaire dans le dossier, c'est « l'intuition est un résultat inconscient d'un travail conscient ». C'est ça aussi, hein, c'est cette idée qu'on développe là depuis le début de l'émission. Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que par exemple, si vous reprenez l'exemple du médecin qui débute, il va devoir observer avec énormément d'attention les patients qui arrivent, les tableaux cliniques, les symptômes. Et inconsciemment, toutes ces données vont rentrer. Mais il faut un effort conscient d'analyse, de perception, de recueil des données. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Et ce que me disait Fernand Gobet aussi, c'est que chez un novice, les intuitions n'ont aucune valeur. Il y a plein de novices aux échecs, par exemple, qui disent « Ah, je le sens bien ouais. », c'est pas plus que le hasard comme qualité de décision. Ouais. Donc c'est uniquement le fait de s'être imprégné. Alors, il peut y avoir des imprégnations qui sont à plus court terme aussi. Là, c'est l'expérience d'un psychologue néerlandais qui ont fait beaucoup de bruit à l'époque. Vous savez, vous devez acheter un appartement, vous en visitez 10 ou 15, et puis à chaque fois, il y a je sais pas combien de critères, le loyer, les charges, l'exposition, enfin voilà, le taux d'intérêt, enfin tout ce que vous voulez... la surface, le rapport, le prix. Et donc, ça crée une combinatoire d'éléments qu'il vous faut traiter dans votre cerveau conscient. C'est ingérable. Vous avez des milliards de combinaisons à gérer et vous n'y arrivez pas. Et donc, vous macérez tout ça, ces informations. Vous y passez des journées entières. Et puis après, on fait l'expérience. On dit à une partie des gens, maintenant, vous allez prendre une décision en réfléchissant de façon rationnelle à ce que vous avez vu. Et eux, ils donnent en général un mauvais résultat. Et puis une autre partie, vous les distrayez, vous allez jouer aux jeux vidéo, vous allez vous promener, penser à autre chose. Et après, on les prend comme ça, à brûle pour point, au débuteur, on dit maintenant vous donnez votre décision à l'instinct. Et là, la décision est plutôt bonne. Donc il y a eu un travail de préparation très très conscient, très énergivore. Ensuite, on passe en mode inconscient, et là, le cerveau continue à travailler, et il livre une bonne réponse. C'est ce qui se passe aussi quand vous cherchez le nom d'un acteur, vous vous souvenez pas, vous cherchez, vous y arrivez pas. Et puis, une demi-heure après, au milieu du repas, ça vous sort. Eric nous dit, je trouve que vous limitez, bridez la notion d'intuition à une logique mécanique cérébrale. Que pensez-vous de l'intuition du cœur? Nous dit Eric. Eric a parfaitement raison, parce que l'intuition, justement, n'est pas toujours, voire pas si souvent que ça, lié à des aspects cognitifs froids. L'intuition est vraiment ancrée dans des émotions. Et ça, on le voit bien dans il y a eu plein d'expériences qui ont été menées en neuroimagerie. Donc c'est des neurosciences cognitives, on essaie d'étudier quels sont les mécanismes du cerveau qui sont impliqués dans tel processus de prise de décision. Et il y a un des biais très connus de la prise de décision qui s'appelle l'effet du cadre de présentation, où on va prendre des décisions financières non pas en raison de calcul, mais simplement parce que la réponse est présentée sous forme de gain. Sur 50 euros, vous allez en garder 20 à coup sûr, là hop, vous prenez cette décision. Et donc on se rend compte que les émotions vont sous-tendre ce biais. Merci beaucoup en tout cas tous les deux. Cerveau et Psycho, c'est à la une et ça sort tout juste en kiosque aujourd'hui. Savoir écouter son intuition avec toutes les clés pour débloquer les situations. Vous avez ce numéro pendant tout le mois de juillet et août. Et quand même, un mot également sur ce 500e numéro de Pour la Science, Sébastien Boller. Quantique, évolution, inconscient, le renouveau des grandes théories. Oui, alors les grandes théories scientifiques, leur historique, qu'est-ce qu'elles sont devenues, quels sont les derniers résultats qui permettent de les mettre au jour. Voilà. Un numéro anniversaire qu'il ne faut pas manquer pour la science, donc dans les kiosques avec Étienne Klein, Carlo Rovelli, Vincent Collot, Lionel Nakache, ils sont tous là pour vous aider à fêter cet anniversaire. Merci beaucoup en tout cas merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci aux auditeurs pour les nombreuses questions.